Premier livre de Samuel, chapitre 8. Et il arriva que quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Son fils premier-né avait nom Joël, et le second avait nom Abija, et il jugeait à Beer-Séba. Mais ses fils ne suivaient point son exemple, car ils se détournaient après le gain des honnêtes, ils prenaient des présents, et ils s'éloignaient de la justice. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent vers Samuel à Rama, et lui dirent, « Voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne suivent point tes voies, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme en ont toutes les nations. » Et Samuel fut affligé de ce qu'il lui avait dit, « Établis sur nous un roi pour nous juger », et Samuel fit requête à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont faites depuis le jour que je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour, et qu'ils m'ont abandonné, et ont servi d'autres dieux, ainsi en font-ils aussi à ton égard. Maintenant donc obéis à leur voix, mais ne manque point de leur protester, et de leur déclarer comment le roi qui régnera sur eux, les traitera. » Ainsi Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel, au peuple qui lui avait demandé un roi. Il leur dit donc, « Ce sera ici la manière en laquelle vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chariots, et parmi ses gens de cheval, et ils courront devant son chariot. Il les prendra aussi pour les établir gouverneurs sur milliers, et gouverneurs sur cinquantaines, pour faire son labourage, pour faire sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre, et tout l'attirail de ses chariots. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, et des boulangères. Il prendra aussi vos champs, vos vignes, et les terres où sont vos bons oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Il dîmera ce que vous aurez semé, et ce que vous aurez vendangé, et il le donnera à ses eunuques, et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, et vos servantes, et les lits de vos jeunes gens, et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera vos troupeaux, et vous serez ses esclaves. En ce jour-là vous crierez à cause de votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point en ce jour-là. Mais le peuple ne voulut point acquiescer au discours de Samuel, et ils dirent, « Non, mais il y aura un roi sur nous. Nous serons aussi comme toutes les nations, et notre roi nous jugera, il sortira devant nous, et il conduira nos guerres. » Samuel donc entendit toutes les paroles du peuple, et les rapporta à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à leur voix, et établis-leur un roi. » Et Samuel dit à ceux d'Israël, « Allez-vous-en chacun en sa ville. »